papa. Ouais, on a les crocs dans mon 9500. Et les gants brigands, les craquants. Ouais, Bart Spino. Traduction réelle de la galère de mon domaine. C'est leur manière de penser qui m'a pourri. Et leur façon de me voir m'a permis d'évoluer. Je serai satisfait que le jour de la reconnaissance de mon droit de respirer. Prêt à lutter jusqu'au dernier souffle. Les poings serrés, ma rage de faim, que je baisserai jamais les bras. Quitte à devenir hors la loi. Alto fascisme, alto racisme. La jeunesse de ce pays en première ligne en peu un fort tribut. Des patrons chefs d'état plus mafieux que les uns que les autres. Signe des lois au parlement afin d'éviter de mettre à jour leur détournement. Venez voir où je vis et arrêtez de parler de banlieue. Si vous en avez jamais mis le bout du nez, 16ème c'est pas Argenteuil. Moi HLM c'est risqué. À chaque moment tu peux te retrouver à la porte de la tristesse. C'est pas un fait divers, 100% la galère de mon domaine. On a les crocs et on veut percer. Dis-leur qu'on va baiser le rap français. Bordel de merde. On a les crocs et on veut percer. Graille et taille et du MC français. Je pense pas qu'ils me veulent du bien. Chaque jour si tu me bats pour ne pas finir dans les mailles du filet. Une époque entre vol et braco. Souvent la même adresse incarcérée. Le monde a baissé les bras. J'essaye de garder le cap, fidèle à ma route. Même s'il faut que je casse des bouches. Nos ancêtres sacrifiés pour ces états qui ont pillé nos richesses. En première ligne pour une dizaine d'euros. La rancune s'est changée en haine. Nombreux n'auront pas été félicités pour avoir combattu pour la France. Ils en paieront les conséquences. De la descendance directe on lâchera pas. Car ils n'ont pas la décence de reconnaître leurs actes. Ma génération en a subi, problème de racisme et d'intégration. Pourtant je suis né français, fils d'immigré. Cherche ma voix sans perdre espoir, peut être catalogué. Le droit de construire mon avenir, donc rester à distance du militant. On a les crocs et on veut percer. Dis-leur qu'on va baiser le rap français. Bordel de merde. On a les crocs et on veut percer. Graille et taille et du MC français. Ça peut le crime lyrical, à cette heure-ci bave mon égal. 9-500 c'est la force et le mental. J'rappe plus pour percer. J'te parle de liberté, du sang versé. Mon hip-hop armé, j'laisse parler les pillages. 2006 joue mon match, tu peux stop tes rêves mais pas les miens. Pillage, c'est marche ou crève ici, c'est la gloire ou le surin. Trop destin, finissent plantés par l'intestin. Trop vite arrive une chute, alors évite quoi. Les plans foireux, les balances et les schmitts, yeah. Fais péter le V6, laisse rouler la 8-6. A fond sur speed comme Bap sur la boîte 6. Authentique depuis les jeunes appellent nos vies street life. Sans l'attitude, ton baggy ne vaut pas un fif, infirme. Je laisse les wacks ainsi que leur firme. Quand je m'affirme sur le Kim, y'a rien que les bras qui confirment. Rap impact, aucune tête ne reste intacte. Deux H pour hip-hop pour un double impact, yeah. 2006, Bap. On a les crocs et on veut percer. Dis-leur qu'on va baiser le rap français. Bordel de merde. On a les crocs et on veut percer. Graille et taille et du MC français.